Chapitre 54e, Darling. Miss Eden lui fit visiter sa villa, admirer ses bibles d'art rares et précieux, des chefs-d'œuvre d'artistes modernes qui, quand on sait les choisir, et quand on veut les apprécier, et qu'on peut les payer à leur prix, valent grandement les anciens articles de bric-à-brac plus ou moins authentiques, dont la badauderie du client et l'habileté du marchand font le principal mérite. Elle lui fit faire le tour du parc aux grands arbres, des massifs de fleurs poussant, si l'on peut dire, en liberté, sans la contrainte et la taille d'un jardinier, assemblant les fleurs par petits paquets de même nature et faisant passer ses fantaisies harmonieuses de soleil sous le cordeau de sa routine. Elle lui montra Darling, dans un costume gros bleu en jupe courte, en pantalon de gymnaste, accroché, jambes nues, bras nus et cheveux au vent, un trapèze dans le feuillage. « C'est son cabinet de lecture, » dit Miss Eden en souriant. « Elle a là-haut son Robinson Crusoe et elle le lit à son Saint Friday. » Darling pencha sa tête futée encadrée d'or et ouvrant ses yeux bleus intelligents et doucement rieurs. « Maman, » demanda-t-elle, « voulez-vous que je descende pour dire bonjour à madame votre amie ?» Vivement, plus vivement même qu'elle n'eût fait en temps ordinaire, Miss Eden répondit. « Non, non, Darling, restez là-haut. »« All right, » répliqua Darling. « Je vous embrasse d'ici, mère chérie, et pour madame votre amie, je vais faire une cabriole avec Friday. » Légère, en poussant un cri d'oiseau, Darling, nerveuse et sûre d'elle-même, se laissa pendre par les mains et, se balançant, passa les jambes par-dessus son trapèze, tourna, s'assit sur la barre et comme au cirque envoya des baisers. Friday, à côté d'elle, sur son petit trapèze à lui, fit la même chose et termina, lui singe, en se suspendant par la queue et en poussant des grincements qui étaient sa façon de sourire quand il était content. Puis, comme après une dernière recommandation, Miss Eden allait s'éloigner avec Madame Garitza. L'espiègle Darling demanda « Mère chérie, puis-je vous demander quelque chose que vous pourrez m'accorder ?»« Mais oui, ma Darling, que voulez-vous »« Encore une tartine au miel. »« Encore ? Mais vous dévorez aujourd'hui ?»« Pas moi. C'est Teddy qui s'est invité à goûter et qui goûte tout. Nous n'avons rien eu, Friday et moi. » Entendant prononcer son nom par l'enfant, un ours allongea son museau dans le feuillage. « Voilà son Teddy Bear !» dit en riant Miss Eden à Madame Garitza. Les enfants de son âge ont un ours en peluche. Elle, elle en a un vivant. C'est un cadeau de Sidi l'Algérien, un des hommes de la brigade de mon mari, son chauffeur, un cœur d'or et le meilleur camarade, l'esclave de Darling. Où lui a-t-il déniché cet ours? Je n'en sais rien. Mais l'animal est bien dressé et il suit Darling comme un caniche, de belle taille. Miss Eden ajouta, montrant le pied de l'arbre. Tenez, voici encore un cadeau de Sidi. Bonjour, Kelb. C'est un loup? S'écria Madame Garitza. « Pas tout à fait. Kelb, c'est un chien chacal. C'est le chien revenu à son état primitif, avec toutes les qualités du chien. Sa finesse, son intelligence et son courage aiguisés par la vie sauvage. Or, on en trouve quelques-uns en Algérie. Sidi en avait dressé un dans la ferme de son père. Il se l'est fait expédier. Et maintenant, Kelb ne vit que pour Darling. Il ne la quitte pas. Jour et nuit, il est auprès d'elle, veille sur elle. Malheur à l'imprudent qui toucherait à Darling. Le chien chacal lui sauterait à la gorge et l'étranglerait net. En riant, Miss Eden ajouta. Il y a encore par là dans les feuilles un vieux sansonnet borgne et un perroquet gris, sans parler d'une pie qui n'a qu'une aile. Ce sont les camarades de Darling. Comment cette ménagerie vit-elle en bons termes? C'est un mystère. Je crois que Sidi, de temps en temps, vérifie le dressage et à coup de matraque remet tout au point. Puis, Miss Eden ramena Madame Garitza à la maison. La promenade avait été jolie, charmante. Cependant, depuis qu'on s'éloignait de l'arbre de Darling Robinson, Madame Garitza se sentait envahie par une tristesse qu'elle ne parvenait pas à surmonter. Sans cesse à ses yeux se présentait le geste prompt de Miss Eden. Sans cesse à ses oreilles revenait la voix anxieuse avec laquelle elle avait signifié à Darling qu'elle n'eût pas à descendre de son trapèze pour venir l'embrasser. Pourquoi écarter cet enfant? Pourquoi lui défendre ainsi de l'approcher, de lui donner un baiser? Madame Garitza se dit « C'est que Miss Eden craint pour Darling la contagion de mon mal. » Elle en conclut fatalement, avec cette logique des malades. « Donc le docteur Montreuil n'est pas sûr de ses piqûres. Il n'est pas certain d'avoir enrayé le mal. Il ne croit pas me guérir. » Et ce fut cette pensée atroce. « Zygomar m'a condamné à la mort la plus épouvantable qui soit au monde. Le plus savant des docteurs, celui qui fait des miracles, ne peut rien contre Zygomar. Je suis condamné. Je vais mourir. » Mais elle se dit cependant, avec cette force de l'espoir qui est d'autant plus vive qu'on sait que tout espoir est illusoire. Peut-être Miss Eden ce soir me laissera-t-elle embrasser sa fille. Alors je saurai si vraiment je suis ou non perdu. Le soir vint, Darling ne parut point. Après souper, personne ne parla de l'enfant. Comme si un mot d'ordre avait été donné, ni Paulin Broquet, le père, ni le docteur, qui adorait la fillette, ne réclamèrent Darling. Quand, après le bonsoir de tous, Madame Garitza fut seule dans sa chambre, elle éclata en gros sanglots. Elle ne trouva le sommeil que vers le matin, quand la fatigue, l'accablement furent plus forts que son angoisse, quand son âme inquiète dut céder à son corps épuisé. À son réveil, sur la table de nuit, avec un bouquet de fleurs nouvelles, se trouvait une lettre du colonel de Fongrive. Elle lut avidement cette lettre toute pleine d'encouragement, de réconfort, de tendresse et d'espérance. L'amour puissant, l'amour sincère éclatait à chaque ligne. La foi en l'avenir, la certitude d'un bonheur prochain s'y montrait si réelle, si vraie, que Madame Garitza se dit « Mais il ne sait donc pas le malheur qui me frappe. » Et maintenant ce fut pour lui, pour cet homme qu'il aimait tant, plus que pour elle, qu'elle eut de la peine. Ce fut sur lui, sur le chagrin atroce qu'il éprouverait à sa mort, qu'elle pleura. Elle s'habilla et se pencha à la fenêtre de sa chambre pour voir le jardin. Elle entendit les rires, les cris de Darling, déjà dans son arbre. Son arbre, d'où elle ne devait pas descendre pour embrasser la malheureuse qui se mourait d'un mal qu'elle pouvait donner, de la peste lépreuse. Miss Eden la vint quérir pour une promenade avant déjeuner. Elle refusa doucement de sortir pour qu'on ne la conduisît point auprès de l'arbre, où Darling lisait Robinson Crusoe, à son singe Friday et à son ours Teddy, gardé par le chien chacal Kelb. D'ailleurs, le docteur Montreuil arriva heureusement, qui donna le prétexte pour demeurer dans la maison. « Elle est bien changée déjà, » lui dit Miss Eden, qui accueillit le docteur dans le salon en bas. « Ses yeux sont cernés d'un violet sombre, et ses lèvres sont blanches. Sa figure si fraîche hier encore, si jolie quand elle reposait, est comme un masque de souffrance ce matin. « C'est peut-être bon signe, cher ami, » dit le docteur. « Vous savez, la bataille de nos microbes. » Mais il dut encore abandonner cet espoir. Et son coup d'œil de médecin lui fit aussitôt reconnaître les progrès du mal. Cependant, ce fut avec son bon sourire qu'il vint à elle, qu'il lui parla, cherchant quand même à faire naître un peu de confiance en l'avenir dans cette âme désespérée. Très longuement, très attentivement, il l'examina, l'étudia. De nouveau, il préleva un peu de sang pour l'analyser. Puis il lui fit encore de nouvelles et plus fortes injonctions de sérum, et il alla s'enfermer dans le laboratoire. Son étude, qui fut longue, consciencieuse, le navra. « Le sérum n'a pas agi, » fit-il. « Le sérum est sans action contre ce mal qui fait des progrès rapides. » Mais il ne voulait pas admettre l'impuissance de la science. Il voulait lutter encore, quand même, contre le mal. Il prépara une injection d'autre nature, plus forte, plus énergique. Madame Garitza, très courageuse, se soumit à cette nouvelle expérience. « Ça sera bien inutile, docteur, » dit-elle. « Je sens que je suis perdue. » « Non, madame, non. La guérison sera plus longue que je ne le pensais, voilà tout. » Madame Garitza eut cette force de volonté, cet admirable courage, de laisser croire qu'elle espérait à nouveau, qu'elle reprenait confiance. Elle se mit à table avec Miss Eden et le docteur et se força pour faire semblant d'avoir un peu d'appétit. Paulin Broquet n'était pas là. Il ne devait rentrer que dans la soirée. Après déjeuner, le docteur, réclamé par ses autres malades, se retira, promettant de revenir avec le détective qui avait pris rendez-vous chez lui. Restés seuls, Miss Eden et Madame Garitza passèrent dans le salon. Le piano était ouvert. Madame Garitza s'en approcha et machinalement posa ses mains sur le clavier, plaqua quelques accords, puis elle s'assit et joua. « Vous êtes très musicienne, madame, » dit-elle à Miss Eden. « Voulez-vous que je vous fasse entendre les morceaux que préfère celui qui peut-être ne m'entendra plus ?» Madame Garitza joua, joua en virtuose. Ce fut un régal pour Miss Eden, qui savait, qui pouvait apprécier. Puis, elle s'arrêta. Depuis plus d'une heure déjà, ses mains couraient sur l'ivoire. Ses doigts, maintenant, semblaient là. Ils hésitaient. Plusieurs fois, ils se trompèrent, n'obéirent pas. « Je ne peux plus jouer, » dit-elle en se tournant vers Miss Eden. « Mes mains n'ont plus de force. »« C'est, madame, la fatigue. »« Non, c'est la faim. » Et tristement, elle ajouta. « Cependant, « j'espère pouvoir encore exprimer mon adieu à cet art, que j'ai aussi grandement aimé. J'espère pouvoir vous faire entendre cette dernière et sublime page dans laquelle un grand poète de la musique a mis sa dernière pensée, le dernier soupir de son âme, le suprême battement de son cœur. C'est l'adieu à ce qu'on aime, c'est l'adieu à la vie. » Madame Garitsa joua de nouveau lentement, doucement, une page admirable. C'était un chant ample, douloureux, que vraiment semblait par instants coupé de longs sanglots. La musique était si poignante, l'interprétation si sincère, qu'il sembla à ces deux êtres d'élite, à ces deux femmes qui aimaient, à ces deux âmes, que l'âme du maestro se trouvait parmi elles. Jamais plainte d'un mourant ne fut interprétée ainsi par une artiste qui savait qu'elle allait mourir et qui jouait là son dernier chant. Miss Eden, prise par cette harmonie douloureuse, entraînée par la pensée, pour mieux entendre en se recueillant cette page d'une beauté unique, spéciale, tenait sa tête dans ses mains, appuyée au large coussin de son fauteuil. Ses yeux étaient fermés, et sous leurs paupières, cependant, une à une, lentement, coulaient de grosses larmes. Tout à coup, la musique cessa dans un dernier accord. « Madame, madame !» s'écria Miss Eden, surprise, dégageant brusquement sa tête de ses mains. Elle courut à Madame Garitsa, qui venait de tomber évanouie sur le clavier. Miss Eden appela. Les domestiques accoururent. On transporta Madame Garitsa dans sa chambre. Par le téléphone, Miss Eden appela Paulin Broquet, lui demandant de venir tout de suite avec le docteur Montreuil. Pendant ce temps, elle avait fait le nécessaire pour amener Madame Garitsa à ses sens. « Madame, dit la malheureuse femme revenant à elle, merci pour tout ce que vous faites pour moi, et que je ne pourrai reconnaître qu'en priant de plus près celui vers qui je vais à grands pas maintenant. Ne dites pas cela. Tout à l'heure, en jouant, mes mains s'alourdissaient, mes doigts se raidissaient. Maintenant, ils sont comme morts. Voyez, mes ongles sont bleutés, mes doigts enflent, se déforment. Le mal fait des progrès rapides. Mais non, c'est au contraire le remède qui commence à produire son effet bienfaisant. Le docteur Montreuil avait manifestement prévu cela. Il attendait ces manifestations. Madame Garitsa secoua la tête. « Merci, madame, de vos paroles d'encouragement. Mais l'assassin qui m'a frappé m'a dit que j'avais devant moi 8 jours. 8 jours pour aimer, pour dire adieu à la vie. Le bourreau a menti, je n'ai que 2 jours.